thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Eh bien, bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Beau Bizarre concocté ce soir par Cédric et Alex. Une émission, Cédric, plutôt dans une veine, on va dire, mystique et tirée un peu dronesque, un petit peu C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a choisi, sans se consulter, deux très longs morceaux. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est mystique, ça c'est sûr, c'est celui qu'on va écouter en seconde. En seconde. Le premier, je le connais pas bien, donc je sais pas si on peut dire qu'il est mystique. Toi, tu peut-être non, plus. Pas, enfin, disons pas vraiment, pas vraiment mystique. On va démarrer avec Jonathan Colclough, qui est un artiste acousticien anglais. Vous avez eu l'habitude déjà de l'entendre dans des précédentes émissions. En fait, finalement, depuis que le Beau Bizarre a été créé, je crois que Jonathan Colclough a été présent assez régulièrement. Le titre qu'on va écouter s'appelle Petidine. Il a décidé d'utiliser des matériaux musicaux composés par Bass Communion et Colin Potter, qu'il a ensuite remixé. Alors Jonathan Colclough a souvent pour habitude d'étirer les sons des sources au maximum pour un effet absolument envoûtant et quand même toujours assez noir. Le titre donc c'est Petidine, c'est tiré d'un album qui était sorti chez ICR au tout début des années 2000, un double CD. Donc où chacun de ces trois artistes que j'ai cités remixe le matériel d'un autre ou éventuellement collabore ensemble. Voilà, on va vous laisser flotter avec Jonathan Colclough et on se retrouve dans environ une petite demi-heure pour Henrik Gorecki. Voilà, vous venez d'entendre Jonathan Coleclou avec l'œuvre Petit Dîner. Et maintenant, Cédric, donc, il est l'heure d'écouter un compositeur qui nous a beaucoup marqué. Ah, comme beaucoup, comme beaucoup, en fait. Puisque c'est un parcours assez singulier que celui de Gorecki. Donc, on va écouter ce soir la symphonie numéro 3, le premier mouvement, Lento. Alors, cette troisième symphonie, donc, on l'appelle aussi la symphonie des chants plaintifs. Et donc, c'est une œuvre pour soprano et orchestre symphonique, donc composée par Henryk Gorecki en 1976. Alors, c'est certainement l'œuvre la plus connue de son compositeur, et elle marquait alors un tournant dans son écriture, puisqu'il retournait alors à ce moment-là à la musique tonale après sa période sérielle. Et le succès international du Polonais est essentiellement lié à la découverte de cette œuvre, mais pas en 1976, bien plus tard, puisqu'il a fallu attendre l'enregistrement en 1992 sorti par Nonesuch Records pour que vraiment cette symphonie explose, entre guillemets, puisque le disque se vendit quand même à plus de 1 million d'exemplaires en Grande-Bretagne et aux États-Unis, comme quoi des fois le parcours d'une œuvre peut être... Oui, il n'est pas forcément immédiat, c'est pas... Ah, bien sûr, d'ailleurs, bon, dans l'histoire du rock, ou plus généralement, des musiques contemporaines, parfois, oui, il y a des artistes qui explosent beaucoup plus tard, hein, ça c'est sûr. Oui. C'est tout le mal qu'on souhaite d'ailleurs à Jonathan Coleclou, qui est un des plus grands musiciens de sa génération, mais que personne ne connaît. Et que personne ne connaît, mais je crois qu'il vient de participer à la mise en scène d'un film qui devrait sortir en mars ou avril, qui s'appelle... Zut, ça ne me revient pas. Bon, voilà. Ah, mais écoute, j'essaierai de vous donner... Non, j'essaierai de vous donner... C'est un film dont Broadcast vient de sortir la bande de son. Berberian Sound Studio. Voilà, Berberian Sound Studio. Et Jonathan Coleclou est chargé de designer, en fait, des sons à l'intérieur du film. D'accord. Voilà, et ça devrait sortir, je crois, normalement, mars et avril. Mars ou avril. C'est un film produit par les studios Warp. Je suis pas sûr que ça favorise l'éclosion de sa réputation, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ok, bah écoutez, on vous laisse avec Gorecki, et puis on se retrouve juste après, je pense, comme oui, on a le temps. Exactement. Allez. À tout à l'heure. Lento. Voilà, c'était le linteau de Gorecki. C'est ça, et c'est le linteau de Gorecki, donc symphonie numéro 3. Et je crois qu'il nous reste quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas. Quelques secondes. Pour rappeler peut-être, Alex, le site. Oui, alors c'est www.lebeaubizarre.blogspot.com sur lequel vous pouvez trouver les émissions en podcast, les playlists et puis des petits bonus vidéo de temps en temps quand nous avons le temps de nous en occuper. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur l'émission si vous voulez nous laisser un message. Vous êtes les bienvenus. On répondra. Oui. Allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. À bientôt. Salut.